L'espagnol avec Michel Thomas, méthode de perfectionnement. Copyright 2007, Chambers Harrap Publishers Limited, CD numéro 1. Buenos días. Quand vous vouliez poursuivre le cours entamé avec la méthode pour débutants, j'ai décidé de vous proposer une suite à ce cours. Cette suite vous permettra de consolider vos connaissances de l'ensemble de la structure de la langue espagnole. Ce à quoi vous parviendrez sans difficulté. Et, encore une fois, je voudrais vous conseiller, comme précédemment, d'être détendu et de ne jamais essayer de mémoriser, car votre apprentissage relève de ma responsabilité en tant que professeur et non de la vôtre. Donc, n'essayez pas de mémoriser quoi que ce soit, sans quoi vous risqueriez de vous crisper et ça nuirait à votre apprentissage. Il s'agit à présent de poursuivre l'apprentissage des structures de la langue en employant tous les temps des verbes. Autrement dit, nous allons nous occuper de grammaire, bien que ce soit un mot que je préfère éviter. Et nous allons le faire facilement et rapidement. Et maintenant, vamos a comenzar, hein, ou vamos a empezar. Nous allons commencer. D'accord. Nous allons commencer par revoir le présent. Au présent, quel que soit le verbe, on accentue l'avant-dernière syllabe. Alors, comment dit-on « acheter » ? Comprar. Oui, mais on prononce « comprar ». En espagnol, on doit entendre toutes les lettres. Donc, on doit aussi entendre le « m » dans « com ». C'est « comprar ». Le « r » est roulé « comprar ». Alors, essayez à nouveau. Comprar. D'accord, comprar. Et je l'achète, se dit. Compro. Ça veut dire j'achète. Et je vous ai demandé de dire je l'achète. Lo compro. D'accord, lo compro. Je l'achète. Et je ne l'achète pas parce que c'est très cher. No lo compro porque es muy caro. Bien, no lo compro porque es muy caro. Pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas? Vous voyez votre interlocuteur. Porque no lo compra? Dites-le à nouveau. Porque no lo compra? D'accord. Porque no lo compra? Pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas?